est tombée la pluie ce matin. Et puis j'ai séché mes larmes en caressant ton front. Et j'ai réchauffé ma peau sous ton édredon. Je t'emmène en voyage dans ma cote de noix. Il y a une place pour toi et j'ai hissé l'avant-voile. Regarde notre petit bateau comme il tangue bien sur la mer déchaînée. Regarder le soleil ce matin et j'ai réchauffé mon cœur sous ses rayons et j'ai pu briser ma peine sur ton front. Je t'emmène en voyage dans ma cote de noix. Il y a une place pour toi. J'ai hissé l'avant-voile. Regarde notre petit bateau comme il tangue bien sur la mer déchaînée. J'y ai laissé ma peau. J'ai décidé aujourd'hui que tout allait bien. Écoutez souffler le vent ce matin. Il a emporté la haine dans son sillon. Et j'ai recueilli l'ivresse sur ton front. Je t'emmène en voyage dans ma cote de noix. Il y a une place pour toi. J'ai hissé la grand voile. Regarde notre petit bateau comme il tangue bien sur la mer déchaînée. J'y ai laissé ma peau. J'ai décidé aujourd'hui que je ne pensais à rien. Mais je n'ai pas vu la neige ce matin. Elle n'a pas volé mes rêves de ses flocons. J'ai vu tomber ma fièvre sur ton front. Je t'emmène en voyage dans ma cote de noix. Il y a une place pour toi et j'ai hissé l'avant-voile. Regarde notre petit bateau comme il tangue bien sur la mer déchaînée. J'y ai laissé ma peau. J'ai décidé aujourd'hui d'abandonner mon chagrin, oublier le vent, la pluie sur le chemin. J'ai laissé larmes et peines dans ma chanson, et j'ai libéré mon âme sur ton front. Je t'emmène en voyage dans ma cote de noix. Il y a la place pour trois, et j'ai bordé la grand voile. Vois ce joli bateau comme il vogue loin sur la mer apaisée.